Bonjour Paulin, bonjour Serena, bonjour Marilyn. Qu'est-ce que tu préfères Paulin ? Admettre tout de suite que Robert Downey Jr. est la dernière star d'Hollywood ou partir en mission suicide au Vietnam ? La mission suicide. Ouais, je m'en doutais. Qu'est-ce que tu préfères Serena ? Admettre tout de suite que Robert Downey Jr. est la plus grosse star d'Hollywood ou revoir en boucle Lou Zinit ? Revoir en boucle le Zénith. Je m'en doutais un peu. I feel need the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Thank you, man. Does what he can. His destiny is revealed. You. Don't be funny! Don't be funny! Don't be the money! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous écoutez le premier épisode piraté de Cruise Control, le podcast qui vous lave le cerveau pour vous prouver que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode 29, mais épisode 1 en format piratage, nous allons vous parler de Tropic Thunder. Avant d'aller plus loin, je m'explique. À cache d'émission, car Paulin et Serena ont bien trop pris la confiance depuis Top Gun 2, et je vais donc les mettre au défi et leur en faire baver comme dans un film de guerre tout au long de l'émission. Faites-moi confiance, rien ne leur sera épargné. Évidemment, Robert Forever, mais on tentera aussi de parler de Patrick Swayze, bien sûr, surtout de John Travolta sous couvert de Scientologie, et évidemment de tensions sexuelles fictives entre Tom et John. Toujours. Imaginons. Voilà. Mais soyons sérieux, rentrons dans le vif du sujet, si je puis dire. Nous parlons donc de Tropic Thunder, sorti en 2008, avec en star incontestable l'immense Robert Downey Jr., un film réalisé par Ben Stiller, dans lequel Tom Cruise a un tout petit rôle d'un gros connard, chauve et capitaliste, Les Grossman. Paulin, Serena, aviez-vous déjà vu ce film ? Et où étiez-vous content de le revoir ? Tu veux ? Allez. Moi, je ne l'avais pas vu du tout. Oh. Wow. Oh. Mais j'avais trop envie de le voir. Ouais. Très, très envie. Voilà. Et toi, Paul ? Moi, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Ah ouais, ouais, j'aime bien le voir. C'est un film que j'aime bien. Donc, j'étais, quoi qu'il arrive, content de le revoir. Voilà. Même si je ne le connais pas par cœur, mais je connais bien. Donc, très content. Eh bien, moi, grâce à vous, j'ai découvert ce film. Ah. Et je suis très, très contente. Donc, un peu grâce à Tom Cruise, finalement. Un Parce que sans Tom Cruise, pas de podcast, pas ce film, tu vois. Bien. Je me prépare à la bagarre. Oui, vas-y, voilà. Prépare-toi à la bagarre, ça va être ouais, rude. Je pense que ça va être ça un peu. On va partir tout de suite dans la bagarre, Paulin et Serena, avec, du coup, l'étape mythique de ce podcast qui vous a rendu célèbre presque bah, c'est grâce pareil. À la maestria de Serena hein, ah. trois écoutes de plus grâce à ça qui excelle dans l'art du résumé n'ayant pas peur des mots clairement. Alors du coup aujourd'hui comme je hack l'émission exercice imposé, je vais vous demander à tous les deux de faire le résumé parce que si c'était que Serena toute seule ce serait bien trop facile donc vous allez faire le résumé à deux sur ce film qui est quand même carrément complexe à résumer hein, ouais. Je le dis direct et donc c'est Paulin qui va commencer le résumé, il devra ensuite donner la main à Serena instantanément quand je vais hurler dans le micro top à la vachette. Wow, oh petite dédicace à Zou. Bah, je vais essayer de regarder de temps en temps tes notes, c'est un j'ai rien les... noté. Les... Et voilà. Ok, ben bah merci. Avec grand plaisir. Et c'est moi qui démarre. Et oui. C'est toi qui démarre. Oh, ça va être chaud. Et c'est quoi le signal pour que je... Je vous dirai top à la vachette. Ouais, bah, moi, j'ai pris zéro note en plus. Vas-y. Alors, le film démarre pas vraiment parce que ça démarre avec des teasers, une publicité, puis des teasers de films qu'on ne comprend pas trop encore, mais qui vont arriver. Donc, le premier, c'est une pub de soda avec Al Pacino qui nous vend le booty sweat, je sais pas quoi. Booty sweat. Et ensuite, ça enchaîne avec le scorcher numéro 4, je crois, de Tuck Spillman, le rôtisseur, où avec dans le 1, il a rôti, dans le 2, il a rôti, le 3, il a rôti, et dans le 4, c'est l'air glaciaire, et il continue de rôtir, donc c'est un film d'action, voilà. Après, ça doit être le teaser de Jack Black. Donc, c'était le truc de Prout, là. C'est une espèce de parodie de films de Eddie Murphy, où, genre La Famille Folle Dingue, où il fait 20 000 personnages différents, où c'est tout le temps vulgaire. Et après ça, ça doit être celui de Robert Downey Jr., donc Kirk Lazarus, qui nous fait l'allée de Satan, où il est un prêtre avec Tobey Maguire, où ils ont une relation charnelle, en se touchant le chapelet. Je crois que c'était ça. Et après, j'essayais de regarder les notes de Serena. Top mais à la vachette. C'est bon. C'est chaud. Donc, après, ça commence. C'est super dur. Il y a une voix off qui raconte que dans l'hiver de 1969, une élite de forces armées des US a envoyé une mission ultra secrète dans le sud-ouest du Vietnam pour récupérer les sergents Feuilles des Trèfles, Payback, détenus par l'armée vietnamienne. 10 hommes sont envoyés. 4 hommes sont arrivés, 3 hommes ont écrit un bouquin là-dessous, 2 sont publiés, 1, il a eu l'adaptation au cinéma. Et ceci est l'histoire des hommes qui ont essayé de faire le film. On commence avec 3 hélicos qui sont dans les montagnes, il y a des explosions partout, il y a nos comédiens, du coup, Jack Black, qui s'appelle Jeff Portnoy. Qui est avec des militaires, il y a des explosions, il y a un qui se fait tuer, qui prend une balle dans la tête, il y a un giclet de sang, des ouf, il y en a un autre qui s'est fait éventrer, c'est dégueu. Oui. L'autre comédien, du coup, Sandowski. C'est Jay Baruchel. Ouais. Et il y a Robert Downey Jr. qui arrive avec blackface déguisé en afro-américain qui parle avec des gros clichés d'afro-américain. Il y a Ben Stiller, du coup Tag Speedman, qui joue trèfle, feuille des trèfles, et qui se fait buter. Et donc, il y a la scène en slow motion où il s'écroule au sol. Il prend quand même à peu près 48 000 balles et ne s'écroule jamais, en fait. C'est bon, au ralenti. Donc, Robert Downey Jr. va le récupérer, le prend sur son épaule. Il y a une grenade qui est lancée vers l'hélicoptère où il y a tous les héros. Ben Stiller s'élance et bloque la grenade avec ses mains et s'écroule au sol. Horrible. Donc, ses mains explosent. Et ses mains explose. Donc il est au sol avec les mains explosées dégueu et il parle avec Robert Downey Jr. donc Lazarus qui a pris Oscar, on comprend que grand c'est un peu comédien, la grand énorme comédien. Comédien à l'image de il y a la Robert. Scène de la mort de Trèfle qui dit je voulais te dire un truc et tu es mon frère et Kirk Lazarus donc RDJ. On peut l'appeler RDJ. Oui, on va l'appeler RDJ, d'ailleurs, dans cette émission. Parce que Robert Downey Jr., c'est long. C'est RDJ, beau, mais c'est long. Il pleure, et du coup, Ben Stiller, il demande, on peut couper là ? Parce qu'il n'arrive pas à pleurer, il galère. Il n'arrive pas à pleurer, il n'est pas capable. Il dit, mais non, mais il ne faut pas qu'on pleure tous les deux là, dans cette scène. Il y a les réalisateurs, donc on voit l'envers toute l'équipe. Du décor. Donc on voit toute l'équipe. Il y a les réalisateurs qui disent, non, on ne coupe pas. Il y a Jack Black qui est attaché à l'hélicoptère en suspension sur un bras avec 2 câbles qui dit « Hey, qu'est-ce qu'on fait là ? On continue ou pas ?» Et là, on voit Cody, donc l'expert explosion, machin truc, qui doit envoyer la dernière explosion des ouf. Ouais. Il croit que les réalisateurs, il envoie un signe, il envoie l'explosion. Mais en fait, la caméra ne tournait pas. Donc, il envoie une explosion ouf malade qui détruit toute la forêt. Et il est trop content, Cody. Ah bah c'est ça, c'est sa passion. Ah oui. Cette grande phrase que j'ai notée, que j'ai adorée. Mère nature a mouillé sa culotte. Donc, au moment de l'explosion, il était là, mais what the fuck, en fait. C'est quoi le projet ? Et donc, c'est Danny McBride, je donne le nom. Ah oui, de Cody. De Cody, ouais. Et ben, top à la vachette, Paulin. Cut ! Et là, du coup, c'est là où il y a l'émission de télé où ils disent c'est un fiasco, que le tournage est un fiasco, que c'est n'importe quoi, qu'ils ont fait exploser la jungle et que tout le monde met des doutes sur le réalisateur, tout ça, machin, que ça part pas bien. Et alors, on apprend, je lis les notes de Serena en même temps, c'est inquiète. On apprend en même temps que le film, donc, il est financé par Les Grossman, donc un mania d'Hollywood, qui est une poigne de fer dans un gant de fer, et qu'il y a du retard sur le tournage, etc. Et que, en gros, le réalisateur, Steve Coogan, qui joue le réalisateur, un peu sa tête, il pourrait sauter, puisque ça se passe pas bien entre les stars, etc. Notamment, parce qu'il y a Jack Black, qui est full drogue, qui cherche de la drogue partout, qu'on peut plus. Al Pacino, qui passe sa vie à faire des placements de produits. Ouais, c'est clair. Et Lazarus, qui est complètement dans son rôle et qui s'arrête jamais, donc c'est un peu compliqué. Et Tuck Speedman, du coup, qui téléphone avec son agent. Oui. Mais là, on découvre juste les trucs qu'il a fait Simple Jack. Oui, voilà, c'est ça. Et qui a fait un gros flop. Ouais, dans l'émission, on se moque un peu de lui en disant qu'il a fait Simple Jack, donc où il joue un gamin idiot et que tout le monde s'est moqué de lui, alors que pour lui, c'était son moyen d'avoir un Oscar, c'était son film à Oscar. Et depuis, il essaye de repartir dans l'action et de reprendre un petit peu son truc. Et c'est là qu'il appelle son agent. Et l'agent, il appelle. Son agent, Matthew McConaughey, qui lui demande si tout va bien, si le contrat est bien respecté, si lui a installé le câble et tout ça. Le TiVo. Très important, le TiVo. C'est le décodeur câble. Magnétoscope numérique, en fait. Voilà. Maintenant, ça fait un peu bidon, mais à l'époque, c'était le luxe d'avoir un TiVo. Quoi. Mais c'est quand même important, le TiVo est dans le contrat. Il doit avoir le TiVo sur place, en fait. C'est et l'agent Matthew McConaughey, c'est son truc, quoi. C'est respecter le contrat, donc il faut qu'il ait son TiVo. Donc il arrête pas de. Tuck Speedman commence. Il dit ouais, j'ai des doutes sur le film, machin. Il se dit ouais, mais est-ce que t'as eu ton TiVo? Enfin bon. Il parle de l'adoption aussi, parce que Tuck Speedman essaye d'adopter un enfant de. On sait pas. Un enfant. On sait pas. Un enfant. Ça a l'air louche, voilà. Et après, c'est après qu'il y a la réunion de crise avec la production. C'est ça. Donc tout le monde est dans une grande salle de réunion. Il y a la télé en grand avec Les Grossman, donc Tom Cruise, qui est projeté à la télé. Et là, en gros, il en fout plein la tronche au réalisateur. Et il demande à un gars... Un machiniste. Regarde le plus costaud, il dit « Toi, tu te lèves, tu lui fous une tarte. » Il lui fout une énorme mandale. En gros, pour montrer qu'il n'est pas content, mais qu'il va faire quelque chose. Et au fond, en fait, il y a un gars... Qui est planqué et qui dit mais en fait si vous voulez faire ce film c'est pas comme ça qu'il faut faire, et en fait c'est Nick Nolte donc qui joue le vrai feuille de trèfle qui a écrit le bouquin, qui a ses petits moignons, enfin des petits crochets à la place des bras, et qui en gros dit non, si vous voulez vraiment faire ce film, moi je sais comment faut faire, il faut qu'ils en chient vraiment, faut les foutre en condition, top à la vachette Serena. Et là Les Grossman, il lui dit ta gueule, connard. Oui, parce qu'il fait qu'insulter tout le monde. Il insulte tout le monde, il en a rien à foutre. 4. Cockburn, donc les réalisateurs, il est trop déprimé, il picole au bord de l'océan. C'est la grosse teuf. De première semaine de tournage. Oui, voilà. Ils ont fait 5 jours de tournage, il y a déjà 10 jours de retard, et ils font une grosse teuf de fou. Un mois de retard. C'est ça. Et en fait, il est bourré, il est désespéré, il voit Trèfle qui lui dit « Viens, moi, je te dis comment faire dans une cabane paumée avec ses deux crochets. » Et il lui dit en gros « On va faire comme ça, on les fout, on met des caméras cachées partout dans la forêt, on les balance, ces 5 comédiens, acteurs nuls, et tu vas voir que tu vas vraiment avoir la peur. Il y aura Cody, donc l'expert explosion, et moi, et on va leur foutre la trouille. Et tu auras ton film. » Il dit « Oui, génial, on va le faire. » Le lendemain, ils partent en avion. Donc, les réalisateurs, Trèfle, les vrais, Cody avec un hélico, avec les 5 comédiens. Et ils les mettent au milieu d'une forêt, de la jungle même. Et le réalisateur, il dit « Ben voilà, maintenant, vous faites pas chier. Donnez-moi vos portables. » Paf, il les casse et il dit en gros « Ça, c'est le scénario. » Il le donne à Ben Stiller, donc Tuck Speedman. « Ça, c'est une carte. Vous suivez ça. Moi, vous me verrez pas. Il y a des caméras partout. On va vous mettre en condition. Vous inquiétez pas. On va faire les meilleurs films de l'histoire du cinéma. » Il marche et il marche sur une mine et il explose. Donc, il faut dire que quand même, le personnage de Ben Stiller a réussi à sauver un téléphone satellite De son agent. De son agent qui planque dans sa culotte que son agent lui a envoyé. Oui, c'est vrai, très bien. Énorme explosion, l'équipe ne comprend pas. Et Tag Speedman, qui n'est pas très brillant, il dit « Mais non, mais c'est du cinéma, vous ne voyez pas, là on sait quoi faire. » Mais non, je crois qu'il est mort. Mais non Il prend la tête du mec mort. Vraiment mort. Vraiment mort. Vraiment mort. Et commence à jouer avec. Jouer avec. Il mange les sangs. À Berk. Et entre-temps, il y a des hommes armés dans la forêt. Qui sont là, on ne sait pas qui sont. Qui voient donc l'équipe d'acteurs, qui les prend pour des militaires anti-drogue. Ouais, des sup. Et du coup, ils disent, ils sont là pour nous, il faut les buter. Donc, ils voient Tag Speedman qui joue avec la tête, ils disent, mais ils n'ont pas peur de la mort, ils ont peur de rien. C'est taré. C'est taré. Et ils les attaquent. Ils les attaquent, ils engagent des coups. Donc, Tag Speedman, il est convaincu que c'est le film. Donc, il dit, ah oui, là, c'est la scène de l'embuscade. Allez, on y va. Bah, tout le monde tire. Gros canardage intégral. Trop con. Sachant que c'est le seul qui y croit encore. Les autres, ils sont en panique. Oui, ils ont bien capté que ça craignait, en fait. Ouais. Et donc Cody, donc l'explosif, il envoie une explosion et les armes armées, ils se cassent effrayés. Donc, l'équipe est convaincue que peut-être il y a le film, on ne sait pas. Ouais, voilà. Il y a de nouveau un peu le doute qui plane quand même. Mais sauf très Ben longtemps. Stiller qui est convaincu que ça passe. Quoi. Que ça passe. Donc, Cody et Trèfle, ils sont ensemble. Et Cody dit, ah, Trèfle, tu es mon héros, j'ai lu ton bouquin, c'était génial et tout. Trèfle, il dit, ta gueule. Et il lui dit, ah, c'est bizarre, on n'arrive pas à voir les réalisateurs, il faut y aller. Et ils vont sur place. Entre-temps, l'équipe, ils marchent et ils savent qu'ils doivent aller à la prochaine scène, qui c'est au bord du fleuve, je ne sais pas quoi. Donc, ils marchent. On voit Jack Black qui a amené sa drogue. Donc, il essaie de se droguer désespérément, mais il est tout le temps arrêté. Donc, il n'arrive pas à se droguer. Il y a une super discussion entre RDJ et Ben Stiller sur Simple Jack. On ne joue pas les débiles profonds. Ouais, voilà. En disant... Tu n'as jamais un Oscar en faisant les débiles profonds. Ouais, tu peux faire le débile. En anglais, c'est retard et full retard. Ouais. Genre, full retard, c'est un débile profond. Il ne faut surtout pas faire ça si tu veux un Oscar. Alors que tu fais un retard, tu peux avoir un Oscar, genre Rain Man, Forrest Gump et tout. Et après, il fait l'exemple des Champagne qui avait fait Je suis Sam. Pas d'Oscar. Et voilà. C'est un même. Donc voilà. Cody et Trèfle, ils sont sur la place où les réalisateurs, il a explosé. Et donc, Trèfle, il dit, t'as tué le réalisateur avec tes explosions à la con. Non, c'est pas vrai. C'est bataille, clac. Il lui enlève les crochets. Et on se rend compte qu'il a des mains. Ça commence mal. Donc, c'est Trèfle, un imposteur, donc. Il est un peu imposteur. Et en même temps, ils se font capturer par les hommes armés de la forêt. Donc, voilà, ils sont amenés. Jack Black, il s'est fait voler la drogue par des chauves-souris, donc il pète un câble. Maintenant, il est en manque total, il n'y a plus de drogue. Il y a Sandus, qui est donc le cinquième, qui est un peu le novice, qui n'a jamais fait des films. C'est le jeune acteur qui espère faire carrière et qui est trop content de tourner avec ses stars. Mais qui est un peu... Qui est le seul qui est intelligent, en plus. Oui. Le seul qui est intelligent et le seul qui a fait ses classes. Oui. C'est pour ça que c'est lui qui sait un peu deux, trois trucs de manœuvre. Donc, Robert Downey Jr. C'est le seul qui a bossé le scénario. Il lui dit, tu sais lire une carte, il faut qu'on récupère la carte de l'autre connard et que tu la lises, t'es avec moi. Ouais. Ben Stiller va le voir tout de suite après. Je fais pas confiance à Robert Downey Jr. T'es avec moi. Ouais. C'est sûr qu'ils font ça, ils vont pisser en fait. C'est la fausse scène du pipi en fait. Il y a que Kevin qui pisse vraiment. Et Ben Stiller qui arrive, qui prend une canette, qui la perce pour faire semblant de pisser et personne n'y croit. Et les deux à la fin, ils font une petite tapette sur les fesses à Kevin. C'est Kevin qui est un peu le bisu de. Eh bien, top à la vachette, Paulin. Alors, top à la vachette là, c'est là où ils arrivent au niveau du fleuve. Oui, grave. Qu'ils arrivent au niveau du fleuve et là ça continue de s'embrouiller etc. Où en gros Ben Stiller leur dit qu'ils font leur diva etc. Qu'il faut y aller, il faut se faire confiance machin, c'est lui le chef et on y va etc. Et il balance, donc c'est la scène où il balance. Mais qu'est-ce que vous avez comment il le sort, c'est you people. Ouais. Ah. Où il fait vraiment le truc, mais vous arrêtez pas tout le temps de faire vos divas, you people. En gros et Robert Downey Jr. Il se retourne, il fait. Qu'est-ce que tu veux dire par you people, quoi? Genre, tu m'insultes parce que je suis noir. Et derrière, il y a Al Pacino qui lui est vraiment noir et qui fait, et toi, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis you people? Donc, il s'embrouille sur ça. Et puis finalement, Robert Downey Jr. Discute arrive avec Ben Stiller et puis lui dit... Non, il l'embrouille. Il s'embrouille et il lui pique la carte pour la donner à Sandowski, qui va du coup dire effectivement, on va pas dans le bon sens. Mais Ben Stiller, piqué dans sa fierté, dit non, mais moi j'y vais tout seul, démerdez-vous, je sais où je dois aller, c'est la scène machin, et j'y vais. Et il part tout seul en traversant et en se vautrant dans le fleuve, pendant que tous les autres repartent dans l'autre sens du coup. On est ensuite sur le... Bon, il y a Jack Black qui continue de taper des délires parce qu'il n'en peut plus. Al Pacino qui continue de faire ses placements de produits et de s'embrouiller avec Robert Downey Jr. en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais, mec ? T'es pas noir, en fait. Ouais, » T'es australien. Oui, c'est ça. T'es un putain d'Australien. Qu'est-ce que tu fais ? Et Robert Downey Jr. qui comprend pas parce que pour lui, il est vraiment... Il est tellement imprégné de son personnage. Et il reste toujours dans le personnage. C'est affolant, d'ailleurs. c'est après la fameuse scène de Ben Stiller tout seul dans la forêt, qui panique, qui s'est planqué, enfin qui s'est fait une petite cabane, etc. Et qui entend des bruits dans la nuit et qui va, par réflexe, tuer quelque chose qui l'attaque. Une bête sauvage. Et il s'avère qu'en fait, c'est un panda. Et ce qu'on a compris, je ne sais plus si on l'a vu, mais c'est pendant l'émission de télé. En fait, Ben Stiller, il a fait toute une campagne de pub où il protège les pandas. Sauver les pandas. Il faut sauver les pandas, etc. Et donc là, c'est le traumatisme, il vrille complètement, il devient dingue parce qu'il a tué un panda, donc pour lui, c'est fini, quoi. Mmh. Et je ne sais plus si c'est là où il se fait une capuche il se fait un costume de panda, en fait. Il devient pandaman. Et il appelle son manager. Et oui, parce qu'il a le téléphone, il appelle son. Matthew McConaughey, donc son agent. Qui croit qu'il a tué, parce qu'il commence à lui faire « Ah, j'ai fait un truc horrible !» Et tout de suite, le manager fait « Oh, t'as tué une pute !» Ouais, c'est ça. Il comprend rien. Et du coup, c'est panique à voir. Après, il comprend que c'est un panda. Et ça revient sur le truc du Tivo. Ouais, bah oui, toujours, c'est l'obsession. Hein, voilà. Et en plus, Ben Stiller lui dit « Non, mais de toute façon, maintenant, je suis ailleurs, les Tivo, tu t'en fous. » Matthew McConaughey, il pense qu'il est passé à un autre agent. Ouais. Et donc, il dit « Non, mais si tu veux les Tivo, moi, je reste avec toi. Ne me quitte pas. » Et il décide d'aller, mais ça, on le verra plus tard, voir du coup Grossman. Le tournage, ouais. Oui, d'aller voir Grossman d'abord, Trossman. C'est vrai. Ouais. Top à la vachette. Ça m'arrange parce que là, je t'ai perdu. Et du coup, en fait, Ben Stiller, après, pendant qu'il appelle l'agent, il se fait capturer par les hommes armés. Ouais. Donc, il se fait amener dans un village au milieu de la jungle. Mm-mm. Et les autres, ils sont au campement et ils voient le village. Il se retrouve plus ou moins au même endroit et il regarde dans les villages. Sandowski, qui est un peu le plus malin, il comprend que c'est un village où ils font de l'héroïne et que sûrement ils sont plus au Vietnam, mais ils sont peut-être au Laos ou au Myanmar. Et il voit Ben Stiller qui s'est fait torturer. Et qu'il arrête pas de dire Kat au directeur parce qu'il est encore convaincu d'être dans un film. Oui, parce que quand il arrive dans le village, il voit des caméras qui sont des caméras de sécu. Il les prend pour des caméras du film, quoi. Donc complètement. Il décide qu'il faut le sauver. Ils savent pas trop comment. Ils font nuit, ils font un campement, ils passent la nuit au campement. Et en gros, il parle un peu d'amour. Il y a les jeunes Sandowski qui disent « Ah, j'ai jamais eu une nana. J'aimais bien la nana avec qui tu sortais, Robert Downey Jr. » Il dit « Ah, mais c'est fini. » Al Pacino qui dit en gros qu'il est amoureux d'un homme. Et tout le monde se moque de lui un peu en mode homophobie. Sauf Robert Downey Jr. qui lui dit quand même « On est tous gays de temps en temps, c'est Hollywood. » Ouais. Quand même. Bon. Je tiens à le préciser. Oui, faut pas déconner. Vrai. C'est le personnage, c'est pas Robert qui le dit. Robert, il est comme ça aussi. Et après, Jack Black qui demande à être ligoté à un arbre, puisque c'est un village d'héroïne, il va faire n'importe quoi. Donc, il faut qu'il soit sévré avant d'aller sauver Ben Stiller. C'est n'importe quoi. C'est des habitudes qui restent. Et il décide de faire la scène de sauvetage du film. Donc Sandowski, qui est le seul qui a lu le scénario et les livres, il dit « Mais vous ne voyez pas, il faut faire la scène. » Ok, d'accord, comment on fait ? Il s'organise. Entre-temps, Ben Stiller, il se retrouve face au chef du village, qui est un petit gamin hyper vénère. Trop bien, ce comédien, je veux dire. Le petit dragon. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus. C'est le grand dragon, un truc comme ça. Je ne sais plus. Qui commence à le tabasser en lui disant « Tu es de l'antidrogue et tout ça. » Il dit « Non. » Et Ben Stiller, pendant qu'il se fait tabasser, il fait une scène... Il bégaye comme les personnages de Simple Jack. Donc il dit « S'il te plaît, ne me tape pas. » Et les gamins, ils s'arrêtent et disent « Mais tu es Simple Jack ! Simple Jack !» Tout le monde se met à genoux. Et en fait, ils découvrent que dans ces villages, ils ont un seul film qu'ils ont regardé et... tout le temps, qui est Simple Jack, et qui pour eux, c'est... Ils adorent ce film. Le chef d'œuvre. Et c'est trop bizarre qu'il n'a pas eu un Oscar pour ça. Donc, Ben Stiller, il dit « Ah ouais !» Et du coup, vous allez me libérer tout. Non, on va demander un rançon. C'est très bien. Donc, ils demandent la rançon. Donc, ils appellent l'agent de Tom Cruise. Ouais. De Ben Stiller. Qui est avec Tom Cruise. Donc ils appellent Matthew McConaughey qui est allé voir Les Grossman, les grands producteurs, en disant mon client n'a pas les TiVos que vous avez promis, machin truc, et reçoit l'appel donc des guerriers, des hommes armés qui disent nous sommes Dragon des Feux, nous avons Simple Jack, et, on veut 50 millions de dollars, ouais, un truc comme ça. Je sais plus combien ils leur demandent. Et Les Grossman, il prend le portable et dit ben, « Vous, allez vous faire foutre, on n'a rien à foutre, canard, vous me dites rien et tout. » L'agent, il est convaincu que Dragon des Feux, c'est une agence. Une agence d'acteurs qui va lui d'acteur. Piquer. Les Grossman, il demande à son équipe de chercher c'est qui Dragon des Feux. Et il découvre en gros que c'est les mecs qui font la drogue et tout ça. Il dit ben, « Très bien, on va le faire buter. » Comme ça, on rentre dans les trucs, dans les sous, comment dire ? De l'assurance. Ah oui. De l'assurance. On fait une fondation, on le pleure. Notre film, il n'est pas ruiné complètement. Ce sera la grande star. Après, on fait marcher l'assurance. C'est on tout gagné. On aura de la caillasse, on aura de la caillasse. C'est un très bon plan. C'est un très bon plan. Et il commence à danser du hip-hop pour convaincre Matthew McConaughey en lui disant... Bah, toi, si tu veux, tu auras énormément d'argent et un jet privé, un G5. Donc, t'es avec moi ou t'es pas avec moi? Et Matthew McConaughey, il a un peu les doutes quand même. Il dit, ah, un G5, comment? Privé? Oui. Donc, entre-temps, Ben Stiller, il est obligé de jouer Simple Jack dans un petit théâtre au milieu du village où il réjoue toutes les scènes du film. Mais il faut dire qu'il a un succès fou quand même. Ouais, il a 4 ou 5 représentations. Il met un balai pour refaire les cheveux. Et un dentier pareil. d'un vieux pour faire les dents, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et tout le monde pleure à la fin. Et entre-temps, les copains qui doivent le sauver, ils le regardent. Et ils décident un plan. Donc, Robert Downey Jr., le lendemain, il s'habille en chinois. Mandarin. Il part du mandarin. Mandarin. C'était encore une occasion de faire un truc raciste. Ouais, voilà. Avec un buffle. Il met Jack Black sur les buffles. Il va au village en disant « J'ai trouvé cet Américain en parlant en chinois. » Donc, les chefs l'accueillent, disent « Ah, c'est Américain, d'accord, ok. » Ils parlent. Entre-temps, les deux autres, donc Al Pacino et Sandusky, ils infiltrent les villages. Ils trouvent Cody et Trèfle qui sont emprisonnés dans les mêmes villages. Ils les libèrent. Donc, Cody va chercher tous les armes qu'il peut. Tout ce qui est possible pour faire péter. Et à un moment, les chefs, ils se rendent compte que Robert Downey Jr., eh bien, un Américain, parce qu'il dit des trucs, il dit n'importe quoi. Complètement incohérent. Et donc, là, ils sortent les mitraillettes, il les bloque, Robert Downey Jr., il arrive à s'échapper, Al Pacino, il doit s'occuper de tous les guerriers qui sont au sol, désarmés. Robert Downey Jr., il trouve Ben Stiller qui ne veut pas partir de là-bas, qui a trouvé un enfant, qui a décidé que c'est son enfant, qui lui a donné un petit Oscar, un brandy. Donc, il a dit, mais ici, j'ai tous les soirs, j'ai salle pleine, je fais 5 spectacles par jour, j'ai trouvé... Les gens reconnaissent mon talent. C'est trop beau. Jack Black, qui était dans les trucs, il prend le petit enfant chef de l'équipe en disant « Dis-moi où c'est la drogue, je veux la drogue, je veux la drogue. » Il va vers la drogue. Les petits enfants, il les tabasse à mort. Bon, grosse bagarre. Il est sauvé par son P, parce qu'en fait, il est pris en joue et en fait, il pète. Et du coup, tout le monde rigole. Et donc, il s'énerve trop. C'est un super pouvoir comme un autre. Il s'énerve trop. Donc, il défonce tout le monde. Bref, ils arrivent tous arrivés là où il y a Ben Stiller et en essayant de le faire répartir. Bon, petite confrontation, machin truc. Il revient pas à savoir qui il est, mais il l'amène quand même. Il l'amène vers l'hélicoptère où Cody et Trèfle, il les attend. Cody, il a mis un pont avec des explosifs partout. tous les villages les poursuit. Ben Stiller, il s'arrête au milieu du pont et dit à Robert Downey Jr. Non, moi je vais rester. Ça, c'est mes gens. Finalement, je suis en paix. Je vais leur parler, je comprendrai. Toi, j'ai un enfant, je suis trop heureux. Top à la vachette, Paulin. Et du coup, donc, il repart dans l'autre sens du pont, donc, sachant que tout le monde monte à l'hélicoptère. Et je sais pas, 3 secondes après, on le voit revenir en courant avec l'enfant qui est sur son dos, qui lui fout des coups de poignard dans les épaules, qui finit par jeter, qui va jeter sur les autres qui sont en train de poursuivre derrière. Il court pour arriver à l'hélicoptère. Explosion du pont. Ouais. Ouais. Ils arrivent finalement à tous monter dans l'hélicoptère et le chef. Parce que Robert Downey va le chercher. Oui, comme dans la scène. Comme dans la scène. Début, ah oui, c'est ça. Il rejoue la scène du début. Ouais, t'es mon frère. Tu n'as pas bien révisé, Paulin. Non, je n'ai pas du tout révisé. du coup, ils montent à l'hélicoptère. Et là, il y a le chef des gens qui font la drogue qui sort une énorme lance-roquette et qui tire sur l'hélicoptère. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Matthew McConaughey qui sort de la jungle et qui dit j'ai ton Tivo, et qui va le voit dans l'hélicoptère et qui voit la roquette arriver, qui va lui jeter. Et c'est finalement le Tivo qui explose et pas l'hélicoptère. Et comme ça, tout le monde est sauvé. C'est merveilleux. Ouais. Et après, c'est cut. Top à la vachette. Ah. Et on est aux Oscars. C'est quand je l'avais la fin. Ah ben vas-y. On est aux Oscars. C'est trop facile quand tu l'as. Et il y a Robert Downey Jr. qui est revenu à l'Australien avec les cheveux blonds et les yeux bleus, qui dit et l'Oscar va à Doug Speedman. Ouais. Et du coup, pour les films. Tropic Thunder, the true story behind the making of the world, the fake true war story ever. Un truc comme ça. Ouais. En gros, ils ont fait un making of du plus cher film sur une guerre faussement vraie. Fausse vraie guerre. Guerre. Bref. Et donc, Doug Speedman, il a gagné son Oscar. On voit les jeunes Sandusky dans le public avec la nana. Jennifer Love Hewitt. Dont il avait parlé avant. Al Pacino avec son mec. Et Jack Black, trop content. Avec de la drogue, sûrement. Avec de la drogue, sûrement. Oscar. Et tout, du coup, la toute dernière scène, c'est Les Grossman. Donc Tom Cruise qui regarde à la télé son sous-fifre et lui dit « Ah, vous avez fait d'un flop un succès, 8 Oscars, 400 millions, voilà, vous avez encore gagné. » Il dit « Ouais, ouais, ouais. » Bien sûr. Bon, l'autre, les sous-fifres, ils se cassent et Les Grossman lance la musique. Et là, c'est la grosse danse des ouf. Et fin du film. Et ouais, le générique fin. C'est un peu long. Bravo, pas mal. Merci beaucoup à tous les deux. Non, mais beaucoup de choses, mais très très bien résumées. à peu près. Après, ouais. Regardez le film. Je vous ai pas coupé sur toutes vos erreurs parce que j'ai pas envie non plus d'être trop méchante. On est d'accord. Ouais, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger. Les gens regarderont le film. Moi, je suis là pour vous juger aujourd'hui. Ok. Mais c'était pas mal. On a beaucoup plus parlé de Robert que de Tom, et déjà rien que ça, c'est le principe. Je pense que pour se donner un petit peu d'air, on va justement regarder et commenter la scène de la danse de la fin de Les Grossman, interprétée donc par Tom Cruise. C'est parti. Eight Oscars, $400 million. And you saved Doug Speedman's career. Madame, c'est ce qu'on disait. Il regarde à la télé avec son sous-fifre. Il lui frappe sur l'épaule. Bravo. Ils sont quand même en costard, parce que même s'ils sont à la maison, ils regardent les Oscars. Et Tom Cruise avec... Il insulte quand même. Ouais. Il est quand même assez moche avec ce truc, mais... Il est incroyable avec ses... Ouais. Il est chauve. Il a des prothèses de main. Il est gros, quoi. Il est très gros. Il a des chaînes en or, le poil il a des... Alors là, dans cette scène, il les a pas, mais il a des lunettes dégueulasses qu'il a pas, je crois, là. Non, il les a pas. Mais il est juste très chauve. Il met les lunettes de soleil. Il s'étire un peu. Et là, la musique. Changement de lumière. Beau, belle lumière là. Il a une espèce de posture avec un peu la bite en avant comme ça. Ouais. C'est ouf. Ouais. Il prend son collier en or. Il la sort. Yeah. Alors, et là, il dépose. Pas vraiment sur la même danse que Risky Business, mais. Oh, il a un petit bougé de tête. Déhanchement de nez. En gros, il a tout gagné, quoi. Il est les gangsta, quoi. Il est les gros, buzz. Gros mouvement de bassin, si c'est ouais. Claquage de fesses. Claquage de fesses qui va bien, qui dure très longtemps. Ouais, c'est magnifique. Bon, c'est le générique de fin, donc c'est entrecoupé de scènes d'explosion. Et déhanché du popotin. Hop. Et ouais. Des explosions qui sont trop bien. Donc on est quand même sur un générique qui est fait autour d'une performance de Tom Cruise. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'il a un peu plus que ça dans ce film, le générique de fin en fait. On commence à juger. Ouais, bon quand même. Ah oui, là il fait clairement une scène de copulation, oui, une R-copulation, ouais, ouais. Voilà. Du R-fuck. Et voilà. Après on revoit pas mal des scènes trash du film. Oui, bah oui. Les scènes qui définissent chaque personnage, ouais. Un peu. Genre les gamins qui est envoyé dans l'air. Et voilà. Très très belle danse. Je sais pas si on le revoit ou pas. Non, je pense pas. Je crois qu'on le revoit, mais à la toute fin, ça risque d'être long. Ah bon, je sais pas. Je couperai en cours. Ah, il a fait un faux de points. T'as perdu. Raté. Raté. Ah, ouais, si, il est en mode boxeur là. Ouais, il est là. Il arrive en insert comme ça. Il y en a deux, trois mouvements. Super bien. Ah non, mais. Un peu souple, un peu élégant. Ah ouais, il est souple, malgré ses grosses mains. Matthew McConaughey qui repart avec son jet privé quand même, et il l'a eu. Et son fils. J'adore. Et gros plan sur Tom. Il est trop trop bien. Ouais. Violent. Tout à fait. Là, merci Tom pour cette danse. Ouais, merci Tom. Et voilà. Et il finit sur le. Il finit à genoux avec le poing sur le cœur. C'est extrêmement beau. Voilà. Voilà. Eh bien, c'était le générique. C'était le générique. Pauline Serena, une boum, question boum. Me brûle les lèvres. Mais oui. Qu'avez-vous pensé de ce film ? Vas-y, Paulin. Ah. Très bien, très très bien. Et voilà. Oui. Okay. Non, ouais, c'est chouette. Super. J'aime bien. C'est... Après, j'aime bien Ben Stiller et un peu toute cette frange de l'humour américain, en fait, qui finalement raconte plus de trucs que pas mal de films censés être sérieux américains. Je trouve que c'est jamais évident. Tu as toujours ce truc à dire, voilà, comédie, voilà, c'est un truc fun, etc. Mais en fait, je trouve que celui-là, particulièrement, des films de Ben Stiller, raconte pas mal de choses. Ouais. Sans se prendre trop au sérieux, enfin, et c'est pas mal, et c'est pas évident, je trouve. On a toujours tendance à dire que c'est jamais évident d'écrire une bonne comédie, et là, en plus, tu crées un bon film qui marche bien, ça marche bien aussi en tant que film de guerre, enfin, c'est plutôt chouette, et puis il y a des super performances de tout le monde. Mm-hmm. Ça frôle toujours la vulgarité, mais ça raconte, on va dire que c'est les gars qui racontent toujours quelque chose. Et ça, c'est plutôt positif par rapport à d'autres films qu'il a fait, où t'as des gags vraiment gratos, où c'est vraiment juste vulgaire ou juste pour le gag. Là, je pense qu'ils tous y racontent un petit truc et c'est assez plaisant. Ouais, carrément. T'es d'accord, Serena ? Bah, moi, j'aime pas trop l'humour vulgaire d'habitude, mais là, je trouve que c'est tellement bien placé. Bon, ça me fait pas rire. Mais je trouve qu'il a une critique d'Hollywood et putain, du racisme d'Hollywood, de tout, de la production. Du validisme d'Hollywood, ouais, aussi. Grave. De l'homophobie, de tout. De tout, en fait. Et qui est vraiment juste. Je sais pas comment dire, mais il est drôle et il ne se prend pas trop au sérieux, quand même. Mais c'est très, très bien réussi. Et ça pose plein de questions. Même sur les producteurs dégueulasses, mais qui oui. Finalement, il dit... Bah, il va toujours gagner quelque part, tu vois. Il en a rien à foutre. C'est assez... Moi, c'est brillant, quoi. Ouais, il joue la bouffonnerie de tous les personnages, ouais. Pour vraiment que tu comprennes bien, quoi. Enfin, tu vois, le blackface intégral de génial. Robert Downey Jr. sur tout le long, qui tient tout le long, etc. C'est hyper gênant à plein de moments. Il a juste besoin de l'appuyer une fois pour dire, bon, c'est ça la lecture qu'il faut en avoir, quoi. Mais en fait, et du coup, ça marche bien, quoi. Ouais, ça marche trop bien. Et en plus, il a fait un film des ouf malades parce qu'il y a, je sais pas combien d'explosions réellement. Oui, non, quoi. C'est ça. Ça a coûté cher. Enfin, j'imagine, ouais. Oui, on verra ça tout à l'heure, mais ouais. Oui, ça a coûté cher. On a les chiffres. Et toi, Marilyn ? Eh ben, moi, j'ai adoré ce film. Je l'avais pas vu. J'en avais entendu parler, mais voilà, je l'ai vu. comme vous, exactement. Voilà, vraiment, je trouve que la critique qu'il fait de la société et de la société des films hollywoodiens, elle est vraiment ultra pertinente. Qui fait ça avec des moyens vraiment très chouettes, des acteurs qui sont quand même un peu tous formidables. Et un texte aussi. Moi, c'est pareil, je suis pas très fan de la vulgarité et tout. Mais par contre, je trouve que le texte est écrit, mais... grossièrement, vulgairement, volontairement et tout, mais que c'est ultra bien fait, ultra bien écrit, quoi. Et du coup, on lâche vraiment pas le truc. Moi, je pense que Robert y est pour beaucoup. Mais bienvenue dans le Robert Cast. Bienvenue dans le Robert Cast. Non, mais vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié ça et j'ai vraiment aimé toutes les discussion qu'il y a entre tous les personnages dans leur progression de l'histoire, quoi. Ouais. Sur, ben, on joue pas les débiles, parce que si tu joues les débiles, t'auras pas d'Oscar. C'est quoi comment je représente ma communauté? Pourquoi j'ai accepté de faire ce film? Pour filer des thunes à ma communauté? Enfin, tu vois, on voit que là, sur les communautés noires et tout, puis avec le blackface, enfin, c'est incroyable. Sur, c'est ok d'être un débile ou c'est pas ok d'être, enfin, je veux dire, il y a vraiment plein de trucs. Donc, par contre, il n'y a pas de femmes. Ouais. Non. Ah, ça, c'est le truc complètement oublié, quoi. Ah, mais là, c'est... Voilà. Et en même temps, le fait qu'il n'y ait pas de femmes, ça raconte aussi un truc. Oui, complètement. Les films de couilles, les producteurs qui sont que entre couilles. Mais c'est pour ça que je le note aussi. C'est je pense que Ben Stiller, il est ce qu'il est et tout ça, mais je pense que c'est volontaire de sa part. Enfin, ce truc-là de disparition. Enfin, on voit, je crois, deux femmes, la meuf qui présente l'émission télé au début et la mère de Jack dans Simple and Jack. Et je pense que c'est à peu près les deux. Ouais, il y a une scène, on voit une scène du film Simple Jack. Et il a une scène avec sa mère, en fait. Voilà, il y a la. Et Jennifer Lovewit dans son propre rôle à la fin. Enfin, voilà, des trucs. Mais vraiment, c'est... Non, j'ai trouvé que c'était un film plutôt très, très réussi. Ouais, et puis en plus, après, c'est toujours chouette, les films où ils ont écrit des personnages avec les acteurs, pour les acteurs, même des fois. Genre, le personnage de Jack Black, clairement, il l'a écrit pour Jack Black. Ah ouais. Ouais. Et après, il y a aussi une liberté pour bien apprivoiser le truc. Mais après, t'as pas de secret. Je pense que si tu veux raconter une histoire, tu sais où tu veux aller. T'écris bien tes personnages. Normalement, derrière, c'est fluide, quoi. Et surtout en comédie. Enfin, si un personnage, il est pas bien écrit et qu'il existe pas, t'as la moitié des gags qui vont pas marcher, quoi. Et il y a pas mal d'impro aussi. C'est quand même des bandes où ils écrivent aussi vachement en cours. Les répliques, ils travaillent les timings, etc. Vachement sur le tournage. Hein. Et là, ça se sent que... Parce que t'as vraiment tous les timings marchent, quoi, au niveau comique. Ah, mais c'est ça, c'est incroyable. Ça, les timings des répliques c'est et tout. Abusé. Et après, Tom Cruise a écrit son rôle avec Ben Stiller, quand même. Ouais, ils ont coécrit le rôle ensemble. Ouais. Parce que je pense que ça devait faire kiffer Tom... de faire ce genre de truc. Bref, on en parlera plus tard, mais voilà. Non, c'est Je me disais même qu'il avait quand même une confiance aveugle de ses comédiens. Que Ben Stiller quand même est suffisamment intelligent pour amener ces comédiens là qui sont quand même dans l'industrie du cinéma et qui sont un peu ce qu'ils disent et de se moquer d'eux-mêmes quand même. Je trouve ça ouf, tu vois. Tom Cruise, pour moi, les personnages des Tax Speedman est clairement Tom Cruise. Ouais. À ce moment même, tu vois, la star qui faisait la vedette des années 80, qui fait qu'il y a des gros blockbusters, plus exacerbé, mais il y a Tom Cruise qui participe à ça, il y a Jack Black qui est quand même, il fait pas exactement son rôle, mais quand même. Oui, il fait ce truc qu'il aurait pu devenir s'il avait vraiment fait que de la comédie de merde. Carrément. Et Ben Stiller disait pour le rôle de Tuck Speedman, il s'inspirait de Sylvester Stallone, jeune. Un comédien qui n'est pas forcément ultra brillant, qui est très bon en action, mais qui a des grosses ambitions, quoi. Qui, au final, est quand même sincère. Il y a quand même un respect pour cette image du comédien d'action, mais qui a un sincère amour d'Hollywood, quoi. Complètement. Après, il est suffisamment intelligent de s'en détacher. Ouais. Mais je trouve que tous les persos sont... Oui, et puis la frontière de ce que tu dis est ultra mince. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps sur un film, sur un fil. Et je trouve que ça, on le voit direct quand le film commence avec les vraies fausses bandes-annonces qui sont quand même juste, mais extraordinaires, en fait. Ouais. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Malheureusement. Ça marcherait très, très bien. ça marche très bien. Ah, moi, j'ai envie de voir la Ah, mais moi aussi. Moi, les rôtisseurs. Ah. Et les scorcheurs aussi. Ouais, ce genre de film, tu te dis ça, ça peut être bien non, débile. Non, mais moi, j'ai pensé à toi tout de suite, Serena, sur l'allée de Satan, parce que je me dis, avec l'amour de Serena pour le Vatican, quand même. C'est vrai, elle aime les prêtres. Ouais, elle aime les prêtres. Assez incroyable. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit, ça va. Ça, ah, ben moi, l'allée de Satan, j'ai envie de le voir avec toi, quoi. Ah, mais c'est un espèce de truc, genre le nom de la rose oui. mélangé. Enfin, c'est assez avec, marrant. Des musiques c'est débiles. C'est Brokeback Mountain avec le nom de la rose mélangé, c'est génial, quoi. Ah non, c'est extrêmement bien fait. Et on voit tout de suite que du coup, on va être vraiment sur le fil du rasoir parce qu'entre la réalité, la fiction, le machin, et en même temps, c'est super bien fait parce que vraiment, ces bandes annoncées sont mortelles. Et c'est jamais évident, genre, tu sais, de faire un film sur, qui parle d'Hollywood et où tu fais un film dans le film, voire un film dans le film dans le film. C'est toujours un peu casse-gueule pour arriver à avoir quelque chose de lisible et je trouve qu'il a réussi très très bien. Mais, oui, même au niveau du scénar et tout. Ouais. Il l'a écrit avec Justin Theroux et Ethan Coen. Pas des frères Coen, hein. C'est un autre Ethan Coen. Mais en vrai, Ben Stiller, il a une qualité d'écriture. Je pense qu'on ne se rend pas compte parce qu'on a l'image de Ben Stiller qui fait Zoolander, des trucs comme ça, mais c'est des comédies déjà qui sont super bien écrites. Ouais, ouais, carrément. Au-delà d'être bien interprétées. Mais Zoolander, c'est lui qui est un réalisateur. Je ne suis pas sûr que celui qui réalise, mais celui qui écrit avec Owen Wilson. Ouais. À la base, il a écrit une partie, je crois, avec Owen Wilson. Il voulait qu'il joue dedans à la place de Matthew McConaughey. Ah ouais. Mais c'est une période où Owen Wilson avait des soucis de santé. Du coup, il l'a pas fait finalement. Mais je trouve que c'est une qualité. Enfin, tu sais, on en parlait quand tu me parlais de Severance, notamment que Ben Stiller a réalisé, produit, écrit. Enfin, c'est hyper bien écrit. Ouais, ouais. Et c'est chouette que ce soit un mec qu'on a tendance à cataloguer que dans de la comédie, mais qui en fait a une telle maîtrise de la comédie qu'il arrive à jongler sur les gens. Ouais. Et là, c'est pareil, ça jongle un peu, même si c'est une pure comédie, tu vois, mais ça amène d'autres trucs. Ouais, oui, il y a plein de gens qui se mélangent. Ouais. Non, mais il y a des scènes d'action. Attends, gamin avec Jack Black, la petite bagarre drôle, mais il faut un putain de stunt de ouf malade. C'est une vraie bagarre qui se termine par un P. Je trouve, c'est magistral en fait, à un moment. On n'en a pas assez, ça. C'est un truc qu'ils ont raté, tu vois, dans Matrix, tout ça. Ils ont raté ce truc-là. Il n'y a pas assez de trucs qui se finissent par des P. Hein. Ouais, Hollywood manque de P. Ouais. Je pense qu'on peut le dire. Il y a les scènes de bagarre, mais il y a aussi les scènes de confidence. La confidence autour du feu, là, où ils expliquent... Ouais. Robert fait très très bien ça. Est-ce que tu as quelqu'un de précieux qui t'attend chez toi? Et donc ils déballent tous un peu leur trauma amoureux pour arriver à l'homosexualité d'Al Pacino, qui est juste le gros truc machin. Et du coup ces scènes-là de confidence où même ils parlent du métier où Kevin les saoule quand il marche dans la jungle où il arrête pas de parler et tout. Oui. Toutes ces scènes-là super écrites, plus confidentielles, mélangées au film de guerre amènent un truc vraiment cool quoi. Ce qui est chouette aussi, c'est que tu vois que c'est quand même quelqu'un qui aime le cinéma, qui a regardé des films et qui comprend les codes de réalisation. Pour que ce film-là, il soit aussi fluide et aussi limpide, ça veut dire qu'il a bouffé du film de guerre, il sait ce que c'est, il sait comment ça se filme, il sait filmer l'action, il sait filmer la collègue midi. Et c'est quand même assez balèze d'arriver à tout mettre correctement, parce que ça pourrait être vite indigeste et vite compliqué à suivre. En fait, moi, tout est vraiment limpide. Et aussi, par rapport au truc dont on n'en parlait pas tant que ça à l'époque, mais maintenant, c'est devenu un peu un gros truc, c'est du méthode acteur. Ouais. L'acteur qui reste toujours dans les rôles et qui fait chier tout le monde. Qui c'est un quel cas de Robert Downey Jr. en vrai. D'ailleurs. Non. Si. Tout le monde dit ça. Et que même sur le tournage, il jouait beaucoup trop... Enfin, il lâchait jamais Kirk Lazarus, quoi. Non, sérieux ? Ouais, apparemment. Non, mais c'est sa manière de faire. Il essaie juste de balancer une fake news sur Robert, en fait. Non, écoute, c'est Internet qui le dit. C'est quand même un truc qui est assez insupportable et qui crée énormément de problèmes dans l'industrie et qui est toujours considéré comme quelque chose de vénérable et génialissime, alors que les gens les équipes, elles n'en peuvent plus. Il y a des cas de gens qui font des putains de violences. C'est ultra malsain. Et là, apparemment, d'après Robert Downey Jr., son inspiration pour le personnage de Kirk Lazarus, au-delà de son expérience, c'était un mélange de Russell Crowe, Daniel Day-Lewis et Colin Farrell. Ouais, c'est ça. Non, Colin Farrell aussi, il fait ça. Ouais, apparemment, ouais. Ah, merde. Bon. Mais après, tu vois, t'as les mecs qui font ça, qui sont trop dans le truc, mais qui sont pas chiants. Donc, par exemple, Jim Carrey quand il fait Man on the Moon, parce qu'apparemment c'était horrible. Ou t'as les mecs, tu vois, genre Viggo Mortensen qui décide de faire Aragorn et donc de passer sa journée sans se laver avec son épée et tout le temps manger à la part de tout le monde. Bon, c'est des délires, mais il y en a, ils ont besoin de ça. Mais... Après, si on en est là, on est bien d'accord que pour ce film, Tom Cruise a pris des cours de danse quand même. Il a pris des cours de hip-hop. Mais avant donc, oui, non, mais avant ça remonte, ça remonte. Mais si on est dans ce genre de délire, on peut se dire, tiens... La petite anecdote. Est-ce que vraiment, pour aller une trente de générique, il a besoin de prendre des cours de hip-hop pendant mais lui, des il avait... Et non, lui, il avait pris des cours d'hip-hop. Comme ça. En fait, il n'y avait pas la scène dans les films. Lui, il avait pris des cours d'hip-hop pendant des années, il a dit à Ben Stiller, là je pense que mon personnage il devrait danser. Ouais, et Ben Stiller dit, je sais pas. Il a fait un test, et tu peux le voir parce qu'il y a plein d'entretiens qui disent ça. Il a fait un test et Ben Stiller a dit, oui, c'est génial. Alors, donc, moi, c'est pas ce que j'ai lu sur les internets. C'est que Tom Cruise avait pris exprès des cours de hip-hop parce que ça le branchait. Mais pas pour Les Grossman. Pour Les Grossman. Si. Après, de toute façon, Tom Cruise, c'est sa méthode. Avec ses sous. Oui, et puis c'est sa méthode. Hein. S'il doit faire un truc, il va passer trois ans à apprendre le japonais s'il a une phrase à dire. Tu vois. Il a ce degré-là de bizarrerie. Mais ce qui n'a rien à voir avec ceux qui passent leur vie dans leur rôle. C'est vraiment deux méthodes très différentes. Ah oui, non, mais c'est des méthodes. Tu vois, que ce soit les mecs comme genre De Niro qui passe sa vie dans son rôle et qui devient complètement zinzin, Tom Cruise, lui, il n'est pas du tout sur cette tranche-là. Hein. C'est vraiment un truc complètement opposé. Lui, par contre, c'est sur l'entraînement. C'est plutôt un mode. Un guerrier de l'entraînement. Non, mais tu vois, c'est deux choses très différentes. C'est Je pense que c'est sur le plateau, du coup, ça donne pas la même chose. Parce que tout le monde dit Tom Cruise, peu importe et que c'est ce qu'on en pense, c'est un pur professionnel. Parce que justement, lui, il vient très préparé et bien, il bosse le truc. Tu vois. Et humainement, du coup, lui, comme il est professionnel, c'est des relations de bureau. Donc, il est hyper sympa. Il envoie des gâteaux aux anniversaires, etc. Allez, Robert Downey. On n'est pas censé parler de Tom Cruise encore. Ouais, on n'est pas censé parler de Tom Cruise du tout, en fait. Mais là, on se prépare parce qu'on sait encore apprendre cher. Non, pas du tout. Ouais, j'étais venu en paix en vrai. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est toi, pas la du... dernière fois que t'étais venu, c'était pour critiquer un film et t'es reparti et que tu l'aimais beaucoup. Mais oui, mais c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui, mais je voudrais pas divulguer la fin. Est-ce qu'on avait d'autres anecdotes sans parler de Tom Cruise autour de ce film? Moi, je crois que c'est à peu près tout. Si, il y a quand même, moi, un truc que j'ai trouvé très rigolo. Al Pacino, là, à la fin, il est en couple, on le voit aux Oscars avec Lance Bass, qui est un ancien de NSYNC, du groupe NSYNC qui joue son propre rôle. Et quand au coin du feu, il dit oui, moi je pense à Lance, ça lui sort tout seul en fait. On retrouve le truc à la fin et c'est le vrai mec de NSYNC. Trop bien. J'ai trouvé ça extrêmement chouchou et j'ai trouvé ça rigolo de voir Jennifer Lovett débarquer là aussi avec un petit bisou de Kevin qui se morfondait de jamais se taper de meuf à Hollywood. Et donc, trop bien. Kevin, en plus, Jeb Aruchel, tous les rôles qu'il a à chaque fois, il joue le rôle du puceau. Ça lui colle à la peau, le poing. Et j'ai pas regardé, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec lui. J'espère qu'il fait d'autres trucs parce que c'est un bon acteur en plus. Quoi. Il est trop bon. Il est super bon. Mais à chaque fois, c'est toujours un rôle de puceau qu'on lui file. C'est un peu limité, quoi, on va dire. Ouais. Là encore, il est cool parce qu'il a. Justement, il joue le truc où il veut dépasser ça, quoi. Mais du coup, il se fait entreprendre par tous les personnages dans le film qui lui disent vas-y, si tu me fais ça, je te trouverai un rôle dans mon prochain film et tout. On voit l'espèce de dégueulasserie qu'il peut y avoir de chantage sur les jeunes en mode vas-y, fais ça, je te trouve un rôle dans mon prochain film. Bon. Voilà. Moi, j'avais lu un dernier truc sur Robert Downey Jr. En fait, le truc, c'est que moi, je pense que c'est tellement une personne parfaite que j'ai rien lu de lui. Alors que tu vois, nous, par exemple, on pense pas que Tom Cruise est parfait. Non. On se renseigne pour savoir en quoi il est parfait ou pas. Voilà. C'est l'erreur de débutant que j'ai faite en prenant la main sur cette émission. C'est ça. Et du coup, Robert Downey Jr., au début, il était pas du tout chaud parce que l'histoire du blackface. Justement. Bah, grave. Ah bah, en gros, il était vraiment hyper emmerdé. Et puis, finalement, il a beaucoup discuté avec Ben Stiller et Jack Black pour comprendre effectivement que c'était pas gratuit, quoi. Que ça racontait vraiment quelque chose. Mais au début, il était premier. Mais du coup, ce qui montre que c'était une personne bien. C'est extrêmement honorable. Il s'est dit, attends, c'est ouvertement un blackface, ne faisons pas. C'est ça. Puis après, il discute, il se rend compte que oui, effectivement. Ça va être un blackface qui est heureusement remis en question, rediscuté tout dans le film. Heureusement. Et il fait une super performance, enfin, clairement. Clairement. On en parlera dans quelques instants, mais je sais pas ce que d'après. je vois comme si c'était mon émission. Ouais, en fait. Mais en fait, non. Non, il fait une extrêmement bonne performance, mais on va peut-être d'abord parler de. de la performance globale du film, avec peut-être les Oscars. Bah, allez. Parce que vous aimez bien ça, les Oscars. On adore. Alors, nous, on aime ça, Tom Cruise. Bah, en plus, c'est une part d'Oscars. Ben oui. Ils parlent, ils font que ça. C'est magique, c'est quand même magique. Petit générique. Petit générique. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Alors donc les Oscars. T'es pas habituée. Ouais. Je suis c'est pas habituée moi. C'est un métier. Alors moi sur les Oscars, j'ai rien trouvé à part une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr. Tout à fait pour ce film. Mais du coup j'imagine qu'il a gagné. Il l'a pas eu. Il a été nommé pour ce film pour meilleur second rôle. Voilà. Ah, Tropic Thunder. Ouais, pour Tropic Thunder. Ce qui est déjà vachement cool parce que c'est mine de rien, ça légitime Tropic Thunder. Bon, la performance de Robert Downey Jr., elle est implacablement, ça mérite. Mais ça, le fait que ce film, ce type de film, ait une nomination aux Oscars, même qu'une seule, c'est super bien. C'est ouf. Bon, alors en face, c'était Heath Ledger qui a gagné pour le Joker. Donc, ah, mais ça, j'avais pas. Dans le Dark Knight. Ah. C'était, en plus, c'était à titre costume, je crois. Et ouais, parce que. Donc, il pouvait difficilement l'avoir. Ouais, non, impossible. Non, impossible. Mais bon, nomination. Mais en plus, c'est vrai que sa performance, elle est barjo, quoi. Ouais. D'arriver à tenir ce truc-là tout, jusqu'au bout et vraiment de. Parce que ça, typiquement, c'est le rôle s'il le lâche. Ne serait-ce que sur une scène, ça fout tout en l'air, quoi. Il faut absolument que jusqu'au bout, il soit à fond et. Balèze. Bravo, Robert. Bravo, Robert. Et il y a quand même une d'autres nominations. Quand même, qui était importante sur ce film, parce qu'il y en a qui concernent Tom, quand même. Ah bon ? Nomination Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Tom. Oui. Mais Golden Globe, on regarde que les Oscars, nous. Après, sinon, effectivement, les Emmy Awards, les Golden Globes, il y en a eu des Golden. Et je crois que pour Dernier Samouraï, il y a eu un Golden Globe. Donc, c'est te dire le niveau des Golden Globes. Non. Pour dire que quand même, ils ont eu quatre nominations un peu sympas, mais qui tournent autour vraiment de Tom et de Robert, donc c'est un peu le choc des titans sur ce film. J'aimerais bien qu'on parle de tensions sexuelles entre eux. Ils se croisent pas assez, ils j'ai se peur, croisent... malheureusement. Ouais, jamais non, jamais. Ils se croisent pas. C'est dommage, parce que là, tu peux faire quelque chose. On aurait pu faire un truc en hommage à Top Gun. Mais, et le film a eu quand même le Hollywood Film Award de la comédie de l'année, quand même. Voilà, je qu'est-ce sais que c'est que cette mais... T'es en train de chercher des trucs obscurs. Mais non, attends, parce que moi, je vois qu'il Hollywood a eu le Film Award. Et il a notre Oscar en brandy à nous. Ouais, voilà. Non, parce que moi, je vois que, par exemple, Danny McBride a eu le Austin Film Critic Association. Non, mais ça va. Ben, ça peut aller loin aussi. Hein. Non, mais attends, là, je suis désolée. Le Hollywood Film Award, c'est quand même important, quoi. Je savais pas qu'on s'occupait ici que des Oscars. Très bien. Effectivement, c'est rigolo. Les Golden Globes, les deux nommés en second rôle, c'était Tom Cruise et Robert Downey Jr. C'est quand même à c'est noter. Pas mal. Pardon. Ouais, mais... c'est clair. Hein. Bah oui. Ça arrive pas tous les jours. Surtout d'avoir Robert et Tom en nomination second rôle, c'est quand même un truc... Et c'est là où tu te dis que c'est quand même balèze, c'est que... Tom Cruise, il a deux scènes. Quoi. En 30 secondes, il est nommé meilleur second rôle, en même temps que Robert Downey Jr., il lui faut un film pour être nommé. Non, mais parce qu'il est noir dans ce film, Robert Downey Jr. C'est pour ça. Quand t'es noir, il te faut plus de temps pour être nommé. Ouais, c'est ça. Le truc. C'est le truc, en fait. C'est horrible. Donc ben voilà. Hein. Ah, Brandon Suhu qui joue le chef des trafiquants, il a gagné le prix du Young Artist Award. Ah ben voilà. Bah, lui il est quand même il est trop fort. Il est incroyable ce gamin. Le rôle de Tran là, ouais il est super. Ah Tran. Il s'appelle Tran dans le film. Oui. Non, il est vraiment incroyable quand il sort son gros bazooka. Flaming Dragon c'est le nom du groupe. Ouais, Dragon des Feux. Non, c'est le nom du groupe, c'est les Dragons Flamboyants, c'est le nom de leur cartel de drogue en fait. Les Dragons Flamboyants. Ouais, c'était Dragon des Feux, ma traduction. Bon, c'est pareil. Mais Tran, Tran, il mérite. Bah, meilleur second rôle, j'ai envie de dire. Ouais, carrément. Est-ce qu'on a fini avec les Oscars? Oui, parce qu'il y avait dans ce film des gens qui ont vraiment eu des Oscars. Mais qui? Oui, mais plein, mais... Ah, Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club, Moi, j'en ai deux autres. Ah bon? Effets spéciaux, sûrement. Non. La musique, peut-être? Non. Directeur photo, John Toll. Brevard et tout. Non, mais oui. John Voight. Ah ben j'allais le dire. Mais en fait, John Voight, il fait un caméo dans le film. Il fait juste le caméo aux Oscars. Ouais, c'est vrai. Où il est dégoûté de ne pas avoir l'Oscar. Il gagne pas l'Oscar. Un Oscar, c'est tout. C'est très drôle d'ailleurs. Et Nick Nolte, et j'étais persuadé que Nick Nolte avait eu un Oscar. Non, il a eu que des nominations. Le pauvre. Non, mais il y a des gens très bien qui ont jamais d'Oscar. Je sais pas pourquoi vous vous attachez aux Oscars. C'est profondément injuste. Oui, c'est injuste. Et ils le disent dans le film, c'est profondément politique. Ben oui, complètement. Allez voir ailleurs, je sais pas. Mais c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant, les Oscars, parce que c'est quand même l'arrêt. À Hollywood, c'est quand même le curseur, tu vois. Alors que c'est complètement con. Ouais, vrai. C'est la ref. Mais ça donne quand même. Il y a des films à Oscars, des films qui sont produits que pour ça. Ouais. Des acteurs qui ne vont chercher que ces films-là. Du coup, c'est intéressant de voir aussi le rapport que Tom Cruise avec les Oscars. Parce que pendant un moment. Là, il le fait plus, hein, clairement. Ouais. Mais pendant un moment, tu sentais qu'il cherchait la manière de faire le film à Oscar, quoi. Et c'est rigolo, comment dans une carrière, ça peut. Enfin, DiCaprio, il a quand même passé un temps énorme et des tonnes de films juste parce qu'il voulait un Oscar. Et il enchaîne film sur Oscar. Des carrières dites très différentes, du coup. C'est rigolo. Forcément. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux Oscars. Enfin, on n'y croit pas du tout. Non, mais cette clarification était importante, je pense. Parce que politiquement, c'est important. Oui. Voilà. Est-ce qu'on parle sous maintenant? On peut parler sous. Ouais. Okay. Alors, si les chiffres concordent, moi, j'avais un budget de 92 millions de dollars. Ouais. What? Ouais. Trois fois lion et agneau. Waouh! Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup. Bah, c'est beaucoup. Je sais pas, tu reprends un Mission Impossible, c'est 150. Hein. Ah, mais j'ai pas la ref. Ouais. Et Guerre des Mondes, c'était 132. Oui, mais c'était film plus, ça, son comédie quand même. On comédie à 82 millions. Ouais, mais. Ouais, et il y a quand même beaucoup d'acteurs un peu tête d'affiche. Oui, ouais. Donc au final, c'est pas si cher que ça en vrai. Ouais, ça me paraît pas déconnant, tu vois. Parce qu'entre les explosions, les têtes d'affiche. Ah non, mais c'est sûr. Les hélicoptères, attends. Ça coûte cher, un hélicoptère. Ouais. Ah ouais, surtout les jets. Sauf dans Top Gun quand on te les prête, parce que c'est l'armée, mais sinon, ça coûte cher. Voilà, c'est ça. Et du coup, si Mission Impossible coûte 150 millions, finalement, là, ils ont été raisonnables en vrai. Et pour info, Battlefield Earth avait coûté 80 millions. comme quoi, hein, l'argent. C'est de la merde. C'est pour ça. J'ai un bon souvenir de ça, que c'est de la merde, mais j'ai pas vu le film du coup. Et comme quoi, l'argent, ça dépend comment on s'en sert. Hein. Tout à fait. Et du coup, les recettes. Ouais. Et alors là, je prends le papier parce que je suis pas sûre d'arriver à lire bien comme il faut le chiffre. 188 millions, enfin, plus de 188 millions de dollars. Ah ouais. Ouais. Moi j'avais 196 millions en mondial. Ah ouais. En mondial j'avais 188. Ah ouais, bon, ça n'est pas quelques millions. Ça va. C'est quand même. C'est pas un gros carton, mais c'est bien. Ah, 186, ça commence à. Ça marche quoi. Et c'est pas les doubles quand même. C'est le double du budget. Oh, toi sais. Ouais, ouais, ouais. 96. Il a quand même. Un truc 96. Pour te dire. Ah ouais, 96, pardon. Oui. Plus que les doubles. C'est pas un Mission Impossible ou quoi. Oui. Collatéral, ouais. Ça faisait 200 millions. C'est pas énorme, mais c'est un film qui, je pense, a plus marché après. Oui, c'est sûr. J'ai l'impression. Et il a quand même délogé à la sortie The Dark Knight, quand même. Ah bon ? Eh oui. Alors, on peut dire. Ouais, peut-être que Dark Knight, la semaine d'après, l'a redélogé aussi. Hein. Non, parce qu'il est resté en tête 4 semaines derrière, en fait. Donc, mais Dark Knight, c'était la fin, peut-être. Oh, oui, bon. Je sais pas, hein, je demande. Oh, oui. Paulin. Ouais, je sais pas, je m'intéresse. Moi, j'ai rien préparé, du coup, je demande. C'est d'avoir des réponses un peu. En fait, piqué là. Je suis venue me faire harceler. Mais j'adore être dans cette position d'invité. Je trouve ça génial en fait. C'est hyper souple. Tu peux intervenir quand tu veux. Tu interromps. Ouais, je pense que je vais faire ça. La prochaine saison, je vais être que invité. Ok. Bien. Est-ce qu'on est bon pour les sous, pour les récompenses, tout ça? Moi, je brûle de parler de Tom. Je sais pas si je rate une marche ou si. Non, c'est bon. C'est ton émission. Non, c'est bon. Ouais, parce que là, c'est bon. Les chiffres, les Oscars et tout. Parlons. Est-ce qu'on peut parler de Tom et de Robert un peu? Est-ce qu'on peut les lier tous les deux? Bon, alors. C'est un petit fantasme un peu, j'ai l'impression. Ouais, j'avoue. Ouais. Si seulement. Après Val Kilmer, ça colle. Bon, on n'en a pas beaucoup parlé, donc commençons par Tom. Tom Cruise dans ce film. Allez, lâchez-vous. Génial. C'est les meilleures 30 secondes du film, je pense. Ouais. Non, mais c'est clair. Trop fort. En fait, le truc, c'est que je voulais en arriver là pour dire, mais s'il doit en rester qu'un de film de Tom Cruise, je veux que ce soit celui-là. Je suis désolée. Non, mais ceci dit, c'est hyper cool parce que c'est un vrai rôle comique. Ouais. Grave. Et qui joue sérieusement. Après, on a toujours dit qu'il est, en vrai, il a un bon potentiel comique. Mm. Mais là, il fait que ça, du coup, c'est génial, quoi. Il en a pas fait tant que ça, Que comique, il en a fait aucun, en vrai. Donc, c'est vraiment un beau cadeau, je trouve. Ouais. C'est avec Ben Stiller, enfin, ils sont super potes. Et après, tu vois qu'il s'amuse. Alors, il joue de son image parce qu'il est aussi producteur. Moi, j'ai cru comprendre dans les anecdotes, machin, qu'en fait, il s'était inspiré d'un producteur qu'il avait pas aimé sur une expérience précédente. Et puis, sur l'image qui, en fait, qui voit des produits, qui est donné des producteurs d'Hollywood et qui doit en connaître, tu vois. Et je pense que lui, il a pas la même approche. Parce que comme c'est un fabricant de cinéma, vraiment, il a ce truc-là toujours de dire, nous, on fait du cinéma, on ne fait pas, on fait du business forcément. Ouais, mais il est d'abord attaché au cinéma, donc je pense qu'il s'est fait plaisir à faire ça, quoi. Mais et c'est un gros fac aussi aux Oscars, non? De dire ouais. Voilà, ouais, carrément. Vous voulez quoi? Je veux vous peindre comme des grosses merdes. Ouais. Et en plus, c'est la période où il a, mais le texte qu'il a, mais enfin voilà, le truc qui est dans votre générique là. Take a step back. Fuck your own face. Mais et c'est ça tout le temps quoi, le texte qu'il a quand il parle au ravisseur, mais même à tout le monde en fait, il insulte tout le monde en permanence et c'est d'une drôlerie. Ouais, c'est mais génial. C'est vraiment quoi. Et à l'image, il est juste énorme avec toutes ses prothèses, ses mains, ce truc, sa transformation physique qui est géniale. Et tu te dis, putain, ça fait du bien de ne pas le voir tout beau, tout miné. Ouais. Ouais. Enfin, il se passe un truc vraiment réel, physique et de jeu. Ouais, de ouf quoi. Bon, après, il est bon dans d'autres films, je vous le concède. Ouais. Mais là, tu retrouves un peu le truc de comme dans Né un 4 juillet où pareil, il est hyper abîmé, tu vois. Ouais. Mais parce que il a besoin de s'en détacher, il l'a fait. Enfin, Né un 4 juillet, c'est clairement le truc où il veut se détacher de son physique. Il veut justement qu'on le respecte en tant qu'acteur, quoi. Et là, c'est plus tant qu'à s'amuser, en fait, il y va à bloc. Il a plus rien. En fait, il a rien à perdre en vrai à cette période-là, puisqu'il s'est fait défoncer par tout le monde après la guerre des mondes et son craquage. Et là, il va faire ça avec les potes et c'est super bien, en fait. Ouais. Effectivement, il fait un doigt d'honneur aux Oscars énorme, quoi, avec des grosses mains. Ouais. Avec des grosses mains, qu'il avait expressément demandé. Il voulait, des grosses mains pour jouer ce truc-là. Ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le nom. Ah, grosses en fait, mains. En fait, c'est en français, tu dis les grosses mains. Ouais. Et ils se sont amusés à dire, on va l'appeler Les Grosses Mains. Ah, c'est génial. C'est vrai, c'est juste anecdote. Après, c'est Internet, mais elle est marrante. Ça peut coller, tu vois. Parce que Les, comme prénom, c'est pas... Lest, c'est Lester. Ça existe, je crois. C'est Lester en plus court, quoi. Ouais. Et Lester, c'est Sylvester. Est-ce que vraiment ils réfléchissent en français? Je sais pas. Ah, c'est possible. Bah, Ben Stiller est quelqu'un d'intelligent, Tom Cruise aussi. Oui, non, mais oui, bien sûr. Et mais, et d'ailleurs, il devait jouer. C'est là où je suis d'accord avec toi, Serena, en me disant il fait un gros focus Oscar truc. C'est qu'à la base, je crois qu'il devait jouer le rôle de Matthew McConaughey. Ah, le rôle de l'agent. Ah, moi j'avais lu que c'était Owen Wilson qui devait le faire ce rôle. Et alors moi j'ai lu qu'il devait faire, qui aurait été beaucoup plus adapté. Pas adapté, mais dans sa ligne. Enfin, quand tu vois comment il joue Matthew McConaughey, tu mets Tom Cruise à la place, ça colle à 140%, mais ça aurait été tellement moins intéressant et tellement moins... Donc c'est cool qu'ils aient écrit ce rôle-là de prod taré. Et je pense qu'en plus à l'époque ça fait une surprise, tu vois. Tu te dis, t'as Tom Cruise qui fait ça, enfin, c'est complètement improbable. Jamais tu penses que Tom Cruise va arriver dans une comédie de Ben Stiller et va jouer ce rôle de vieux producteur horrible, quoi. Et en plus, je trouve qu'il est mochissime parce qu'il est bedonnant avec sans cheveux, avec des grosses cernes et tout. Mais en même temps, il est très charmant. Il a un côté. Tu vois, il bouge hyper bien. Je sais pas, il y a un truc, il est assuré dans ses corps. Ouais. Il est confiant, quoi. Ah oui, grave. Du coup, c'est presque. Ça, c'est pas dérangeant. Non. Alors que dans Né un 4 juillet, des fois, les costumes. Tu voyais un peu le décalage costume, machin. Ouais. Là, putain, il a trop. Il était à l'aise, quoi. Et d'ailleurs, son rôle devait rester secret. Quand tu disais la surprise et tout, machin, ils avaient tout bloqué, vraiment en mode gros secret. Il fallait qu'aucune image, comme tu dis, de ce corps et de ce physique, fallait rien, que rien fuite, que rien machin, que rien truc. Et du coup, c'est génial d'imaginer la surprise de tout le monde, la presse et tout, en voyant Tom Cruise apparaître comme génial. Ça. Ça a dû être énorme. Et ça montre aussi le truc... l'impact que Tom Cruise a quand même encore à cette époque-là, de se dire si tu fais ce gag-là, parce qu'en fait c'est un gros gag étiré d'avoir Tom Cruise qui fait le producteur, quoi. Tu te dis il est hyper important, il marche tant que ça, c'est... Et ça se confirme avec le générique de fin, quoi, où il prend toute la place. Qui lui donne le générique de fin, c'est cadeau aussi, quoi. Ouais, c'est surtout sur le hip-hop. Trop bien. Est-ce que vous avez encore envie de dire plein de choses d'amour sur Tom? Non, ça va. Non, je pense que c'est bon. On peut dire que c'est un très grand film de. C'est un très grand film de Tom Cruise et un très grand film de Robert quand même. Ah oui, pour moi c'est. Et du coup, ils ont ça en commun, ça nous réunit un peu aujourd'hui, les amis. Mais c'est en plus Robert Downey Jr. Après ça, il y a, par Iron Man, il ne fait pas 20 000 trucs, je crois. Non, il ne fait pas 20 000 trucs. C'est un peu dommage, du coup. Bah, c'est dommage. Bah, ouais. Mais bon, il a quelques problèmes personnels, comme vous le savez. Encore c'est pas je ne sais pas, je veux pas lancer de fausses rumeurs. Mais... Non, je crois qu'il va bien, mais je ne sais pas pourquoi les gens ne l'appellent pas. Bah, mais non, après, avec je pense Iron que ça va, avec Iron Man, il est peinard. Entre ça, Sherlock Holmes, ouais, machin, il est capable de faire tellement... Oui, mais peut-être qu'il n'aime pas le cinéma, tu vois. Peut-être qu'il a envie de leur dire fuck à tous, en fait. Bah ouais. Peut-être. En plus, il n'était pas un peu amené au cinéma par son père, qu'il a un peu obligé et tout ça. J'ai pas fumé de voir, je connais pas la vie de Robert, malgré tout mon amour pour lui. Ah, je croyais que c'est Robert... très superficiel, cet amour, j'ai l'impression. C'est extrêmement superficiel. J'en parlerai à la fin, je vous dirai pourquoi cet amour ultra superficiel pour Robert, mais non, je ne connais pas sa vie à cet homme-là. Ah, je sais pas. En tout cas, oui, super performance. De Robert. Bah, pareil, hyper comique, le mec qui a un sens du comique, c'est hyper balèze. Pour faire ça et réussir à rester sur la ligne, ça, l'équilibre hyper dangereux, même quand il fait les clichés. Oui, du black. Du black qui, quand il part de la bouffe, on n'en a pas parlé, mais toute la partie sur la bouffe, t'es là, c'est risqué. Ouais. Et en fait, il le fait super bien. C'est un peu, Ben Stiller, c'est un peu son univers aussi dans la comédie. Hein. C'est de jouer sur ça, d'essayer de trouver un peu les limites et de les frôler pour qu'on les voit, quoi, en fait. Et c'est balèze. Trop balèze. Bon, ils sont trop balèzes tous les deux, on est d'accord là-dessus. Ouais. Par contre, il n'y a qu'un seul crousometteur. Il n'y a pas de Robert crousometteur pour l'instant. Le Robert-ometteur. Juniometteur. Bon, alors du coup, on va faire le crousometteur. Alors, c'est parti. C'est l'heure du crousometteur. Donc, le crousometteur, décidément, je ne m'y fais pas. C'est les enchaînements. C'est bien. Mais non, mais j'attends toujours que ce soit toi qui parles, tu vois, c'est l'habitude. J'ai failli, mais j'ai rien dit. Ouais. Alors, par qui on commence? Serena? Oh, non. Voilà. Serena, elle n'aime pas, elle a des gros problèmes en ce moment de crousomètre. Ah ouais? Si tu l'écoutes, elle met 50 partout. C'est horrible. Ok. Donc, je rappelle pour les auditeurices qui écouteraient ce podcast pour la première fois, déjà, désolé, ça ne se passe pas du tout comme ça d'habitude. Mais non, c'est trop bien. Et donc le crousometteur, c'est un peu la note globale qu'on donne à Tom sur ce film par rapport à son jeu, l'ensemble de sa carrière, la pertinence de son choix dans ce film, etc., etc. Un peu une note fourre-tout, donc de 0 à 100%, ouais. Et que après du coup Paulin et Serena mettent en regard sur les autres films, quoi. Donc faut essayer de se rapprocher un peu de la vérité, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah c'est la vérité, je pense, le crousometteur. Mais absolument. C'est la vérité. Non, c'est vrai, on essaye de trouver un peu ce film, ce qui va en rester de ça, quoi. Et du coup, moi, comme d'hab, maintenant je fais des fourchettes. Ça, c'est le plus. Il ne peut pas descendre en dessous de ça, ça ne peut pas monter au-dessus de ça. Et du coup, je suis arrivé à 66%. Ah, pas mal. Pour un film de 30 secondes, je pense. Moi, j'aurais donné plus, tu vois. Ouais. Et ben, j'ai hésité, mais en même temps, je me dis, ça reste que 30 secondes, même si ça reste cultissime. Ah. C'était ça qui n'était pas évident à jauger, parce que j'avoue. L'impact est hyper culte. C'est sa seule comédie, quasi. Mais en même temps, voilà, c'est 30 secondes. Je ne savais pas trop. Du coup, je suis resté un peu là. Parce qu'en même temps, en regardant les films que j'avais notés, si je le fais monter au-dessus, je commence à aller au-dessus de Top Gun, des trucs comme ça. Je me dis, en termes d'héritage, il y a un moment où tu te dis est-ce que ça a autant d'impact que ça, je sais pas. Donc j'ai eu un peu, je me suis pas trop mouillé, je suis allé à 66. D'accord. Ok, 66, Serena. Alors moi j'avais envie de donner plus pour plusieurs raisons, mais la principale c'est aussi les cultes, ce personnage génial. Finalement ces films là, on se rappelle beaucoup de lui, même si c'est Robert Downey Jr. Mais quand même. Ouais. Il a un peu volé tout. Et aussi parce que je l'aime bien voir. C'est la première fois, je crois, que je le vois dans un groupe. En tout cas, moi, je me raconte l'histoire derrière les films et je me dis, ils sont potes. Ouais. Et avec Tom Cruise, j'ai l'impression qu'il est toujours isolé et il a des gens qui on lui colle autour. Mais là, vraiment, c'est un joli groupe où ils délirent tous ensemble. Je vois, il y a un truc... C'est ce qu'on va voir plus tard quand, sur l'émission Impossible, où là, ils retrouvent un peu ce truc qu'ils font les promos ensemble. Enfin, Oui, mais pas tant avant. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu des groupes. Ouais. Du coup, j'ai envie de dire, il a des potes. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant. C'est pas un sociopathe, et c'est du coup. Ben Stiller que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, j'ai envie de dire... 70. Wow. Tu continues dans les comptes, toi, 70. Ouais. Bah okay. J'aime pas trop le 5, 6, 7. 70, 71, tu le mets au-dessus 71, de Top Gun. Si tu... Yeah, baby. Tu le mets au-dessus de Top Gun, dis donc. Et oui. 71, mais que... ouais, je mets 71 parce que je préfère que voilà. ça fasse pas trop obvious. Ouais. Non, mais il triche, c'est mais quoi non, ça? Non, mais de toute façon, après, je vais changer pas. Parce que voilà. moi, j'ai pas les fourchettes, je comprends okay. rien. Je dis, j'ai abandonné tout. Sur le cruiser. J'abandonne complètement. Voilà. Ouais, okay. toi, Marilyn, du coup. Et alors, bah, moi, sur le Est-ce qu'on aurait le premier 100% de la. sur le chronomètre, j'ai moins de pression que vous parce que du coup, là, moi, c'est très sporadique, donc tout va bien. J'ai pas besoin d'être. De voir l'ensemble de la carrière et du coup, j'ai envie de faire un petit hommage à Ben Stiller en étant un peu débile sur mon chiffrage. Et du coup, je vais dire 98%. Oh, comment nous fausser la note. Ouais. 98. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs moments dans le film où il parle de 1998. J'ai vu ça comme un signe. Oui, c'est le personnage de Ben Stiller qui a été élu best, je sais pas, le mec le plus sexy de 1998. Il y a un autre truc qui reprend 98, ça m'a fait beaucoup rire. Et je trouve... Pas mal. De toute façon, là c'était pour la blague, mais j'aurais mis très fort, j'aurais mis genre 90%. Parce que je trouve que bah, déjà, il co-écrit le rôle. Il s'implique au niveau du hip-hop, de la danse, de machin. Tu vois qu'il prend un plaisir, il fait plaisir à voir énorme sur ce truc-là, qu'il a un texte de fou quand il insulte tout le monde, mais c'est juste génial. Donc j'y vais à fond et je lui mets un max parce que on devrait le voir plus souvent comme ça quand même. Je trouve ça cool. Les Grossman, les retours, ouais, MVP. Ce serait génial. Ah mais d'ailleurs il est revenu puisqu'il a repris le rôle de Les Grossman. Bon ouais. Mais quand? Eh ben alors attends, je reprends mes trucs parce que c'était non pas dans un film. Hein. Ouais, dans un SNL. C'était ou un sur comme ça. Une soirée des MTV Music Awards. Mmh. Ah génial. Voilà. Non, mais comme quand il y avait sur Mission Impossible ouais. Ben Stiller qui avait fait des clips, courts-métrages ouais. où il était la doublure de Tom Cruise. Et la doublure qui faisait rien. Et là, c'était donc sur les MTV Awards, là, il était avec Jennifer Lopez. Et apparemment, ils ont dansé et tout. Génial. Et je me dis, c'est quand même un rôle qui lui colle au truc, qui le rend aussi vachement accessible, sympathique et tout. Enfin, voilà. Du coup, moi, je 98. Bam. C'est vrai que c'est un rôle qui lui dans sa suite de carrière là où ça part en cacahuète, c'est un peu le truc où tout le monde dit ah mais ça a quand même un bon gars, tu vois, ouais. Il fait des trucs fun, il a de l'autodérision, tu vois. Même s'il est scientologue. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Bah je pense qu'il y a un peu ce truc là dans tous ces films qu'il fait, il essaye de dire ouais mais je ne suis pas que scientologue, regardez, je suis... c'est le truc comment tu passes sous les radars. Yeah. Eh bien, on n'a pas fait les Rotten Tomatoes. Oh, les Rotten Tomatoes. Si, ouais, les Rotten, mais... c'est 62%. Non, pardon. Ah non, n'importe quoi. 82. Ah, voilà. Ah, très bien. Pardon, c'est ma faute, j'ai raté les Rotten. Allociné, c'est 3,1. Ok. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est pas bien. Vachement bien. Je crois que si on a fait tout, on doit passer aux recommandations, un truc tout comme ça. Tout à fait. Allez. Il n'y a pas de jingle. Non. Ah, putain. C'était prête pour un jingle, mais non. J'étais grave prête. Je me dis, là, je vais renquiller direct derrière. Ouais. Donc, vos recommandations. Allez, Serena. Eh merde. Moi, j'ai pensé à un truc, mais je l'ai déjà conseillé. Ah mince. Bah, cool. C'est pas grave. Bon, en fait, c'est. Bah, puisque j'adore Ben Stiller, j'avais conseillé Severance, qui est quand même génial ici. Mais Marilyn, si t'as pas vu, il faut absolument le regarder. Mais j'avais envie de... Parce que j'adore les films La famille Tenenbaum. Ouais. Mais je l'avais déjà conseillé. Très bien. Qui est trop bien. Il a un rôle génialissime. J'adore, en fait, ces films. Je le trouve parfait, Ben Stiller, là-dedans. Avec ses deux gamins. Ouais. De Wes Anderson, du coup. C'est un des premiers. De Wes Anderson. Le 3-4e. Ouais, encore avant la vague méga esthétique que j'aime pas du tout. Du coup, il est encore dans un entre-deux. Il commence. Ouais, ça commence bien. Mais il est pas trop comme Grand Budapest Hotel ou des trucs comme ça où il exagère ça. Mm-hmm. Et l'histoire, elle est hyper bien écrite. Il y a les personnages qui sont trop bien. Et Ben Stiller, il a un rôle mais génialissime avec ses gamins. Bon, voilà. C'est toujours un plaisir de revoir ces films. Voilà. Merci, Serena. De rien. Paulin, tes recommandations? Mais moi, écoute, j'en avais qu'une et puis j'en ai trouvé une autre. Ah. Et je ne sais pas laquelle est la plus pertinente. Bah, fais les deux. Donne les deux. Alors, la première, c'est une série télé qui s'appelle Barry. Ah oui. Avec Bill Hader qui fait le bras droit de Les Grossman dans le film Les Sous-fifres. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Barry, du coup, d'où le nom. et qui est tueur à gage, en fait. Et tu vois, on l'embauche pour qu'il tue des gens. Sauf que lui, en fait, ça le fait chier. Tu vois, c'est genre un mec qui cherche sa reconversion et qui a ce boulot-là et qui le fait parce qu'il faut manger. En fait, ça l'emmerde. Et il découvre, il veut faire du théâtre, en fait. Il découvre ça. Mais bon, il est pas très bon dans ça. Il est très, très bon pour tuer des gens, mais pas très bon en théâtre. Ah, et il y a tout ce truc où... enfin voilà, c'est assez chouette avec tous ses copains du club de théâtre. C'est assez rigolo. C'est un peu, c'est comique. Hein. C'est comique et un peu dramatique, mais plus comique que dramatique quand même, tu vois. Ah. Mais c'est vraiment très très bien. Et Bill Hader dedans est fantastique. Voilà. Et c'est après, bon. Mon autre recommandation très rapidement, parce que j'ai regardé un épisode avant-hier, deux épisodes d'avant-hier, c'était Le Flambeau, une série Canal avec Jonathan Cohen. Où ils font une parodie de Koh-Lanta et du coup ça m'a vachement fait penser à Tropic Thunder parce que c'est un peu le même délire. Il y a, tu sais, le vétéran de l'armée qui est pas vraiment un vétéran. Ouais. Et j'ai appris ensuite que en fait Le Flambeau, donc la version française, c'est une adaptation d'un truc qu'avait fait Ben Stiller. Ah bon? Ouais, c'est j'ai lu ça. Et après je me suis dit effectivement je comprends. Bah oui. Parce que l'humour de Jonathan Cohen dans ce truc-là, enfin, tu vois des similitudes, tu vois qu'il est quand même pas mal inspiré de Ben Stiller, du coup, voilà. Donc, j'ai regardé deux épisodes, il y a des trucs qui font bien marrer. C'est plutôt. Et tu vois l'ambiance, c'est un peu le même genre de truc, quoi. Voilà. C'est bien. Marilyn. Alors, moi, comme j'étais censée vous embêter aujourd'hui, oui. Parce que j'ai pas beaucoup fait, je trouve. Oh, tu peux revenir. J'ai décidé de faire des recommandations très peu recommandables. Vas-y. Voilà. Donc, désolée pour les auditoristes. Alpha, si une bien, mais que j'ai pas vue. Donc, je recommande. La fameuse recommandation qu'on a pas vue. Vas-y. J'ai pensé tout de suite à Terry Gilliam avec l'histoire de Don Quichotte. Oui. Ah oui, The Making et of. Et de Lost in La Mancha. C'est trop bien. Ouais, avec bien. Le film, avec Robert Roche. Johnny Depp. Non, il y a Johnny Depp. Jean Rochefort, voilà. Oui, il y a Johnny Depp. Oui, mais bon, on parle pas de Johnny Depp, on parle de Jean Rochefort. Je parlais de Jean Rochefort. OK, pardon. Pour qui j'ai le Tu peux nous laisser canceller Johnny Depp tranquille. Pardon, pardon. Est-ce qu'on peut cancel, voilà. Et du coup, je sais que ça fait super longtemps que je veux voir ces trucs-là il et que j'ai pas fait. Et donc du coup, voilà, je voulais recommander ça. Et ensuite, de façon un petit peu plus légère, je voulais recommander tous les épisodes d'Ally McBeal où il y a Robert Downey Jr dedans et notamment l'épisode où Robert part et quitte Ally et où il lui fait un bonhomme de neige et où elle met le bonhomme de neige dans son frigo pour pas oublier Robert et il a le chapeau et la cravate et c'est juste parfait. Et sinon il y a un autre film avec Robert Downey Jr qui s'appelle Date Limite Due Date en anglais. C'est un espèce de road trip à travers l'Amérique avec Zach Galifianakis qui a une urne qui trimballe quelqu'un de mort, enfin bon bref. Et c'est un duo qui marche plutôt pas mal, je trouve. Ah ouais. Évidemment, tous les Sherlock Holmes, tous les Iron Man. Et vraiment, pour achever Paulin, puisqu'on parle de si t'es débile, si tu joues un débile, tu peux pas avoir d'Oscar. Évidemment, revoyez Forrest Gump avec Tom Hanks. Oui. Évidemment. Parce que, en vrai, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ouais. Et ben, franchement, il est super. Ouais, je me posais sincèrement, avec tout l'amour que j'ai pour Tom Hanks, je me posais la question, est-ce que ça a bien vieilli? Je l'ai revu il y a genre moins de 6 mois et vraiment ça a super bien vieilli, c'est très très joli, enfin ça marche à fond quoi. Cool. Donc go Tom Hanks. Alors c'est rigolo parce qu'avec tes recommandations sur Robert Downey Jr, on a toute la filmo quoi, en gros. Ça va. C'est vrai. C'est-à-dire, Ali McBeal, t'as la moitié de la filmo, Sherlock Holmes, t'as l'autre moitié, Iron Man, c'est fini, quoi. Non, mais il y en a d'autres que j'ai pas cités. Mais j'ai vu qu'il avait mieux pas, en j'ai fait. Non. Il avait joué un biopic où il faisait Charlie Chaplin. Et c'était trop creepy. Parce que du coup, je regarde sur IMDb et je tombe sur ça. Et tu vois le teaser avec Robert Downey Jr., peinture lurée en blanc, qui joue Charlie Chaplin. Et je me suis dit, mais. Enfin, ça faisait trop bizarre. Vraiment très. Je veux pas voir ce film. Je vous le dis de suite. D'accord. Mais ça m'a fait bizarre. Voilà, c'est tout. Ok. Bah... une info sur Robert. Non, mais comme quoi, il a fait d'autres films, tu vois. Oui, il a fait plein de films. Là, je donne les choses un peu qui, moi, me touchent, puisque c'est mes recommandations. Mais bien sûr, pardon. Mais il a une carrière très vaste, et je pense que c'est pas fini. Ah, très bien. Bah, j'espère. J'espère. Mes amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette émission d'aujourd'hui. On doit faire des bisous à des gens, je crois. Pas des gens, mais... on remercie PodCloud qui nous héberge. Notre plateforme préférée d'hébergement des podcasts. Tout à fait. De qualité. Et puis, écrivez. Ouais, c'est Marilyn qui fait la fin normalement. Okay. On vous remercie de nous avoir écoutés. Donc, oui. On remercie notre hébergeur. Vous retrouvez Cruise Control sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vraiment, tout. Donc, allez-y, mettez des cœurs, des loves, partagez. On aura un nouvel épisode bientôt. Dans deux semaines. Donc, restez branchés sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà. Des bisous. Et c'est quoi nos réseaux sociaux, d'ailleurs? Alors, c'est quoi notre... Notre site, elle n'a pas préparé l'émission. Vous trouvez Twitter, il y a Twitter. Ouais. bravo. Twitter. Alors ça, c'est le piratage le plus claqué quand même. Hein. Je suis censée vous pirater, je ne vais pas vous faire de la promo en plus. Bah, tu vas donner ton Twitter à toi. Non. Ah oui, donne ton Twitter, elle est rigolo ton Twitter. Moi, mon Twitter, c'est Marie carrément. Voilà. Et bien, merci Marilyn. Merci Marilyn pour ce hacking en douceur. Trop cool. Des bisous. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. See, I caught him with a right hook. Caught him with a jab. Caught him with an uppercut. Kicked him in his ass. Sent him on his way, cause I ain't for that talk. And no trips to the county, I ain't for that walk. We split like two pins at the end of a lane. We'll knock out your spotlight and put an end to your bang. Put a DTP pendant at the end of your chain. And put the booty of a swish at the end of a plane. Yeet, yeet. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Yeet, yeet. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Hey, you want what with me? I'ma tell you one time, don't fuck with me. Get down. Cause I ain't got nothing to lose. And I'm having a bad day. Don't make me take it out on you. You want what with me? I'ma tell you one time, don't fuck with me. Get down. Cause I ain't got nothing to lose. And I'm having a bad day. Don't make me take it out on you. Man, cause I don't wanna do that. I wanna have a good time and enjoy my jack. Sit back and watch the women get drunk as hell. So I can wake up in the morning with a story to tell. I know it's been a little while since I've been out the house. But now I'm here, you wanna stand around running your mouth. I can't hear nothing you saying or spitting, so what's up? Don't you see we in the club, man, shut the fuck up. Yeet, yeet, woo, woo. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Yeet, yeet, woo, woo. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. We in the red light district. We in the red light district. We in the red light district. We in the red light district. We in the red light district. The red light district. The red light district.